terre. Mais ce sont tous des fanatiques, des petits suppôts d'Adolf Hitler. Ils rêvent d'une France sans immigrés, vont dénoncer les sans-papiers. Ils se branlent devant la télé, tout en rêvant de croix gammées. Alerta! Antifascista! Marine Le Pen est dédonnée, des gueules pour une identité. Pétain de Vla ressuscité, par ses nazis, par ses fumiers. Et nous, on vous crache à la gueule, au nom de tous les humanistes. Même si parfois on se sent seul, on pissera sur l'ordre fasciste. Alerta! Antifascista! La France n'est plus qu'une poubelle où tous les races battent entre eux. Il n'y a plus de vrais rebelles, seulement des cons et des fouteux. Au moins de mai, tu iras voter pour un connard, un enfoiré. Il te parlera d'humanité et une fois de plus, tu seras baisé. Alerta! Antifascista! La gauche, tu l'as dans le cul, tu n'es qu'un pion, un petit mouton. À 50 ans, tu n'en peux plus et tu crèveras comme un petit con. Allons, enfants de la patrie, un petit coup de pique d'allocation. En bon français, tu te reproduis, t'es qu'un brave type, t'es qu'un pauvre con. Alerta! Antifascista! Les Roms, les Gitans sans papier, tu veux tous les carchériser. Au nom de ton drapeau français, au nom de ton identité. Les immigrés, on les vengera, et par les couilles on te pendra. Tu nous feras plus marcher au pas, une potence pour ta gueule de rat. Alerta! Antifasciste! Les anarchistes ne sont pas morts, on te rejoue à la commune avec les gens qui couchent dehors et tous les pauvres qui ont pas la thune. Tu la boufferas ta Marseillaise quand sonnera la révolution. Ta tronche comme celle de Louis XVI, au bout d'un pic t'auras l'air con. Alerta! Antifascista!